Chapitre 4. Orage. Peu de temps après, Milady et Cécile, étant un soir sorties assez tard pour se promener, trouvèrent le temps si beau qu'elles s'éloignèrent à près de 2 milles du château, quoique toujours dans le parc. Elles furent rencontrées par le jeune Delville, qui se contenta de leur faire observer qu'elles s'étaient trop écartées et qui continua son chemin. « Il devient tout à fait insupportable, » s'écria Milady, lorsqu'elles l'eurent perdu de vue. Il est réellement triste de voir un jeune homme ressembler à un vieux anachorète. Je ne serais point étonné qu'au bout de 8 jours, il refusât même de nous ôter son chapeau. Et une semaine après, j'imagine qu'il se confinera dans une des tourelles du château, se fera raser la tête, vivra de racines et hurlera dès que quelqu'un voudra l'approcher. Je suis presque surprise qu'il permette à son chien fidèle de le suivre et qu'il ne se reproche pas cette jouissance mondaine. Je parie qu'il le tuera quelque jour pour avoir aboyé pendant un de ses accès de méditation. Il faut qu'il ait quelque chose qui l'inquiète et le chagrine. Peut-être est-il amoureux. Ne pourrait-il pas y avoir d'autre cause que celle-là ? S'écria Cécile. Non, je n'en sache pas d'autre. Mais s'il l'est, sa maîtresse a peu de sujet d'être jalouse de vous ou de moi. Car je ne crois pas que deux pauvres demoiselles aient jamais été si délaissées. La malice la plus raffinée aurait eu peine à inventer un raisonnement plus mortifiant pour Cécile que l'était cette plaisanterie de Milady Honora. Mais celle qu'elle avait précédemment essuyée de sa part l'avait déjà aguerrie. Elle lui répondit d'un air indifférent. « Peut-être est-il occupé de Milady Euphrasie ?»« Oh non !» s'écria-t-elle, « car lorsqu'il l'a vue, il n'a pas fait la moindre attention, et je suis sûre que s'il l'épouse, ce ne sera que parce qu'il ne pourra pas faire autrement. » Elles furent bientôt alarmées en voyant le ciel s'obscurcir tout à coup, et au bruit du tonnerre qui commençait à se faire entendre, elles retournèrent sur leurs pas et commençaient à courir pour regagner le château, lorsqu'une forte pluie les obligea de se mettre à l'abri sous un grand arbre, où Delville les joignit bientôt après pour leur offrir son secours. Les éclairs et le tonnerre continuant, il les pria de se mettre en marche malgré la pluie, parce que leur situation présente les exposait à un plus grand danger que celui d'avoir leur chapeau et leur mantelet mouillés. Cécile y consentit volontiers, mais Milady Honora, très effrayée, protesta qu'elle ne bougerait pas de là que l'orage ne fût passé. Ce fut en vain qu'il entreprit de lui démontrer qu'elle avait tort en se croyant sûreté sous un arbre. Elle se tenait collée contre le tronc. À chaque éclair, elle poussait des cris perçants. La crainte avait fait disparaître toute sa gaieté. Delville, pour lors, proposa sérieusement à Cécile de la conduire au château et de revenir ensuite chercher Milady. Mais elle crut ne pouvoir abandonner sa compagne et refusa ses offres. Ils attendirent donc encore quelque temps tous les trois, mais l'orage, loin de s'apaiser, devenant toujours plus violent, les coups de tonnerre plus forts et plus fréquents, Delville, révolté de l'opiniâtreté de Milady, lui en fit voir le danger et la sottise. Ce moment était peu propre à lui faire goûter des raisonnements philosophiques. Les préjugés qu'on ne lui avait jamais appris à surmonter lui faisaient croire qu'elle se trouvait en lieu de sûreté, et elle était trop agitée pour entendre raison. Voyant qu'il était impossible de l'en faire sortir, Delville dit vivement à Cécile « Venez donc, Miss Beverley, ne tardons plus. Je veux conduire au château, et j'en reviendrai chercher Milady. » « Non, non, répliqua-t-elle, ma vie n'est pas plus précieuse que les vôtres, et il est naturel que je cours les mêmes dangers que vous. »« Elle est bien plus précieuse, s'écria-t-il avec vivacité, que l'air que je respire. » Et lui prenant la main, la mit sous son bras, et sans attendre son consentement, il l'entraîna presque malgré elle, lui disant tout en courant. « Comment l'existence de Milady Pemberton pourrait-elle réparer la perte d'un personnage tel que Miss Beverley ? Rien de si facile que de trouver 1000 femmes comme Milady. » « Mais, Miss Beverley, où en existe-t-il une seconde ?» Cécile, surprise et enchantée, ne pouvait parler. La force avec laquelle il courait lui faisait presque perdre la respiration. Avant qu'ils fussent près du château, ils ralentirent un peu leurs pas. Elle avoua que ses forces étaient épuisées et qu'il ne lui était plus possible de continuer à marcher aussi vite. « Arrêtons et reposons-nous donc, » s'écria-t-il. « Mais pourquoi refusez-vous de vous appuyer sur moi ?»« Ce moment doit bannir tout scrupule. » Cécile, à ces mots, soit par honte, soit par lassitude, s'appuya sur son bras, et Delville, le pressant doucement avec une émotion qu'il ne pouvait plus réprimer, s'écria. « Fardeau charmant, ah, que je ne vous perde jamais !» Cécile reprit alors toutes ses forces et retira promptement sa main de dessous son bras. Il la laissa se dégager et lui dit en hésitant « Pardonnez-moi, Cécile. Madame, Miss Beverley, veux-je dire ?» Cécile, sans lui répondre, continua à marcher seule aussi vite qu'il lui était possible, et Delville, sans oser s'y opposer, la suivait en silence. À peine avait-il fait ainsi quelques pas, qu'il tomba tout à coup une grande quantité de grêle, et le vent, qui était très fort, leur soufflant au visage, obligea Cécile de s'arrêter plusieurs fois, malgré tous les efforts qu'elle fit pour avancer. Delville s'approcha alors d'elle, lui proposa de se réfugier de nouveau sous un arbre, les éclairs et le tonnerre ayant absolument cessé, et d'y attendre que la grêle eût un peu diminué. Quoique Cécile n'eût jamais été moins disposée à l'obliger, elle se trouvait si incommodée de la violence de l'orage qu'elle fut obligée d'y consentir. Chaque instant lui paraissait un siècle, et cependant, la grêle et le vent ne finissaient point. Ils gardaient le silence l'un et l'autre. Tous deux, quoique éprouvant des sensations différentes, étaient également affligés de ce contretemps. Delville avait eu soin de se placer du côté où le vent soufflait avec le plus de furie, mais apercevant que, malgré tous ses efforts pour l'en préserver, quelques grains de grêle étaient tombés sur le mantelet de Cécile, il ôta alors son chapeau et le tint de façon à la garantir mieux. Il fut impossible à Cécile d'être plus longtemps insensible à ses soins, et se tournant tout à coup vers lui, elle lui dit « Pourquoi cela, monsieur Delville ? » repartit-il. « Pour obtenir mon pardon de Miss Beverley ?» Eh bien, je vous prie, remettez votre chapeau. Me l'ordonnez-vous ? Non, certainement, mais je le souhaite. » Ah ! S'écria-t-il en se couvrant. Quels ordres auraient jamais autant de pouvoir sous moi que vos simples désirs ? Après une pareille pause, il ajouta. Me pardonnerez-vous ? Cécile, honteuse de la cause de leur brouillerie, et fléchie par le sérieux de sa demande, lui répondit sans hésiter. Oui, pourquoi me rappelez-vous pareille folie ? Que vous êtes bonne ! S'écria-t-il vivement en lui prenant la main. « Ah, Miss Beverley, que n'ai-je la force ? Pourquoi m'est-il absolument impossible ? Si ma situation malheureuse permettait... »« Je m'aperçois, » repartit-elle très agitée et retirant sa main, « que vous voulez me prouver combien on doit redouter le mauvais temps. » Elle s'empressa à quitter l'arbre. Delville, voyant un domestique s'approcher avec un parapluie, courut le prendre et lui indiquant le lieu où était Milady, il lui ordonna d'aller la joindre. L'orage ne tarda pas à se dissiper entièrement, mais il commença à faire nuit, et comme en courant il s'était éloigné du chemin, afin d'arriver plus tôt en prenant en droite ligne, la hauteur des herbes les empêchait de marcher, et le terrain était si inégal et si glissant que Cécile eut toutes les peines du monde à s'empêcher de tomber. Elle persista obstinément à refuser les secours de Delville, qui se tenait à ses côtés et paraissait craindre de se montrer trop importun. Quoique Cécile ne fût pas, à beaucoup près, aussi irritée qu'elle affectait de le paraître, elle crut nécessaire de lui témoigner qu'elle était piquée de l'inconséquence de sa conduite, et qu'il était convenable de ne pas souffrir, sans en témoigner son mécontentement, de pareil transport de la part d'un homme qui s'était fait une loi d'user avec elle de la plus grande retenue. Ils arrivèrent alors au château, et prenant un sentier détourné, ils se trouvèrent dans une petite allée basse et étroite qui y conduisait. Mortimer s'arrêta un moment, et dit à Cécile du ton du monde le plus humble « Je suis au désespoir de vous avoir offensé. Mais s'il était possible que vous connussiez une partie de mes souffrances, vous êtes trop généreuse pour continuer à me traiter avec tant de sévérité. » Cécile se trouve alors entourée de domestiques, mais elle était si surprise des dernières paroles de Delville, qui changeaient sa colère en tristesse, qu'elle entendit à peine ce qu'ils lui dirent, et sut encore moins ce qu'elle leur répondait, quoique tous, d'une voix, lui demanda ce qu'était devenu Milady et où il devait aller la chercher. Madame Delville vint à son tour, lui proposa de se mettre tout de suite au lit. Elle accepta la proposition. Confuse et déconcertée de ce qui venait de se passer, elle se sentait incapable de soutenir la moindre conversation. Son embarras et sa distraction furent attribués à la lassitude et à l'effroi, et Madame Delville, ayant aidé à la coucher, fut rendre le même service à Milady qui arriva au même moment. Restée enfin seule, elle réfléchit sur les aventures de la soirée et sur la conduite de Delville depuis qu'elle le connaissait. Il ne lui paraissait plus possible de douter qu'il ne l'aimât sincèrement. Toutes les fois qu'il agissait avec réflexion, il avait l'air froid et réservé, mais dans les circonstances essentielles, il manifestait toujours pour elle l'attachement le plus vif et le plus flatteur. Cette inclination n'était au reste pas plus évidente que le désir qu'il avait de la cacher et de la vaincre. Il paraissait même redouter jusqu'à sa vue et s'être imposé la nécessité d'éviter toute conversation avec elle. Quelle étrange et impénétrable raison pouvait lui prescrire une conduite aussi mystérieuse ? À la vérité, il ne savait pas qu'elle désirait qu'il en tînt une différente, mais il ne pouvait ignorer qu'il n'eût autant de droit qu'un autre à chercher à lui plaire. L'obstacle qu'il retenait aurait-il été la clause du testament de son oncle par laquelle il exigeait que celui qu'il épouserait prît son nom? Cette condition lui paraissait elle-même assez désagréable, et cependant, elle était si ordinaire dans les cas où il était question d'une héritière qu'elle ne pouvait l'emporter sur les avantages d'une pareille alliance. Elle se rappela alors Henriette. La lettre qu'elle avait vue entre ses mains l'inquiétait, mais la conviction qu'il n'était point amoureux, jointe à la certitude que l'intérêt seul qu'il prenait à elle pouvait l'y faire penser, diminua à cet égard les soupçons qu'elle avait conçus. Milady Euphrasie Pemberton l'embarrassait davantage. Il lui semblait assez probable qu'il eût actuellement quelques négociations sur le tapis avec le duc de Derwent pour ce mariage. Elle croyait avoir toutes sortes de raisons de considérer Madame Delville comme son amie, quoique cette dame eût le soin le plus scrupuleux d'éviter toute plaisanterie sur le compte de son fils, dont elle ne faisait jamais mention que dans les occasions qui n'intéressaient point Cécile. Le père, malgré tout ce que M. Monckton avait pu dire le contraire, paraissait donc être le seul obstacle. Sa vanité pouvait trouver à redire à la naissance de Cécile, qui, quoiqu'elle ne fût pas illustre, n'avait rien de bas, et en remontant par là son grand-père, devenait très ordinaire. Si telle est néanmoins, s'écria-t-elle, sa situation, combien n'ai-je pas eu tort de blâmer sa conduite? Car tandis que je l'accusais de caprice, il n'a réellement agi que par nécessité. Si son père exige qu'il forme une autre alliance, sa conduite n'a-t-elle pas été honnête, prudente et équitable, en fuyant un objet qui aurait pu le porter à la désobéissance et en tâchant de lui laisser ignorer un penchant que son devoir l'obligeait à surmonter? Ainsi, toutes ces réflexions la conduisaient à garder encore plus soigneusement que jamais son secret, et la raison vint au secours du penchant.